Je défends mes valeurs, malheur à celui qui touche à mon honneur. Ici c'est mort, les gars s'emmerdent tellement. Les comptes étaient fort tellement. Personne croit vraiment au bonheur, ou alors pas sincèrement. C'est assez franc étant souffrant, donc on se doit d'être assez franc. On fait ce qu'on peut pour passer le temps. C'est un bon prétexte pour écrire des textes. Excel, vide à test, peut te garder des MST adepte du rap novice. Flow et rap en technique, on porte mon opus. Tu veux me faire pâlir, lis bien la notice. Bien profite du moment propice, comme fait la police. Je rêve de réunir la foule, mais d'abord rouler sur leur d'accord. Je norme mon son, mon art, vénard. Si vient mon heure de gloire, ou alors vénère dans le cas contraire. Je pourrais rien y faire, lâche la vraie. Tu sais de quelle manière on la rapporte dans nos poches, merde. T'es vu sur le parc, au map, je veux pas dans les billets, je mords. Mes valeurs, les perdent autant de temps d'une corde. Ma famille prime, tu sais pourquoi je crame le chrome en crime. Ma extreme, faut le faire vite. Foutre le feu sec, zone interdite. Bouge ton boule, mec, ma cape. Sont mes vers, les comptes de fées se transforment même en palabre. Pas l'âme d'un guéri. Les MC en rose sont rares ici. Les vrais frères, les meufs bien, l'argent dans le coin se rarifie. Vite la teste, accroche-toi bien, approche-toi bien. La maille dans les poches, ça vient. Si tu cherches des reproches, y'a rien, fais pas le malin, c'est pas le moment. Ça vient du cœur, c'est nos valeurs, un truc inique qu'on peut calciner. Lève ton bras en notre honneur, tu sois du sud, est, ouest ou nord. Pour les foules en ébullition, ce morceau était prédestiné. Nos valeurs, c'est ce qu'on sait faire. Qui fait donc en somme être estimé. Ça vient du cœur, c'est nos valeurs, un truc inique qu'on peut calciner. Lève ton bras en notre honneur, tu sois du sud, est, ouest ou nord. Pour les foules en ébullition, ce morceau était prédestiné. Nos valeurs, c'est ce qu'on sait faire. Qui fait donc en somme être estimé. Je collabore en travers et à tort pour des records. En putain, texte pour comme corps, je suis d'accord. Pour mes potes shootés comme un spot sur l'oscilloscope. Faut que je télescope, je connais le barème. Raid rentre dans l'arène, fin comme une arrête, scred comme une barrette, augmente le 11. Une bonne dose, y'a pas d'overdose, c'est l'over du game, j'pose. Tandis qu'on croit que j'pense, j'suis sur toi et ton mépris du rap, tes idées fausses. Viens pas voir ce qui se passe dans la fosse, tu cacherais la face. L'argent sale, on fait à l'abri des regards et des spots bleus. Aujourd'hui, paix sans être gros, j'entends des gars qui disent mais stop bleu. Un gars ténébreux, camouflant en scot bleu. Essayer de me sauper, c'est comme déchiffrer de l'hébreu. Les bras levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. Le peu de valeur qu'on a, on le consacre au rap dorénavant. Excel coach et max de face, Rio qui baisse. Les gars qui gazent, pas de petite phase. Jour après jour progresse, sans cesse poussé par le temps qui passe trop vite. Alors on se presse, ce conférence célèbre amène les conférences de presse. Violente expérience de thèse, donc pas de présence de stress. On s'attache à nos valeurs, dans le fond, c'est tout ce qui nous reste. Faut que je pas, tourne pas ma veste. Même pas ma tête, allure discrète. C'est pour pas que les keufs m'arrêtent pour se distraire. Pas de mystère, mon vieux. Au mic, un trio sérieux. Excel, EST. À chaque prestation, on fait mieux. Ça vient du cœur, c'est nos valeurs. Un truc inné qu'on ne peut calciner. Lève ton bras en notre honneur. Que tu sois du sud, est, ouest ou nord. Pour les foules en ébullition, ce morceau était prédestiné. Nos valeurs, c'est ce qu'on sait faire. Qui fait donc en somme être estimé. Ça vient du cœur, c'est nos valeurs. Un truc inné qu'on ne peut calciner. Lève ton bras en notre honneur. Que tu sois du sud, est, ouest ou nord. Pour les foules en ébullition, ce morceau était prédestiné. Nos valeurs, c'est ce qu'on sait faire. Qui fait donc en somme être estimé.